Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment 6 heures ? Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le vendredi 23 octobre. Bienvenue dans Un autre jour est possible, votre réveil culturel. Depuis le début de la semaine, nous sommes en compagnie de Nicolas Rouvière, notre tête chercheuse, qui nous raconte l'identité nationale à travers Astérix. Astérix dans le chaudron de l'identité nationale aujourd'hui, 5e et dernier épisode. Astérix, première, deuxième, troisième génération. Et bien sûr, cette semaine a été conçue pour marquer aussi la sortie du dernier album d'Astérix. Sortie qui a eu lieu hier, mais par tout artiste, le ciel leur est tombé sur la tête de qui je parle, et bien des éditeurs du dernier Astérix, qui est bien sorti hier, 36e album, signé Jean-Yves Ferry au scénario et Didier Conrad au dessin, tiré à près de 2 millions d'exemplaires. Les libraires d'ailleurs sont restés ouverts tard cette nuit, et juste à l'occasion de la sortie d'Astérix. Et bien sûr, comme pour Millennium, pas de service de presse pour les journalistes qui vont découvrir, comme moi, c'est-à-dire aujourd'hui, cet album d'Astérix. Donc l'interview avec les auteurs prévus de longue date n'est pas possible. Donc tout à l'heure à 6h07, au lieu de l'entretien avec Jean-Yves Ferry et Didier Conrad, je vous propose un petit reportage à la Tour Eiffel où a eu lieu la semaine dernière le lancement officiel de ce 36e album d'Astérix, où on va retrouver aussi bien Albert Uderzo que la fille Goscinny, Anne Goscinny, que les deux auteurs de ce 36e album, le Papyrus de César. Mais tout de suite... Stéphane Grappelli et Django Reinhardt, Echoes of France, la Marseillaise. Bonjour Nicolas Rouvière. Bonjour. Depuis lundi, vous nous racontez Astérix. Astérix est votre lecture universitaire des aventures d'Astérix. Avant d'entamer le dernier épisode, avant d'avoir votre avis sur le dernier album des aventures d'Astérix qui est sorti hier, d'abord, pourquoi cet intérêt pour Astérix? Pourquoi Astérix et pas un autre? Je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai même appris à lire avec Astérix. Et je continue d'apprendre à lire avec Astérix tous les jours. Voilà, je crois que c'est une raison suffisante. Mais il y avait autre chose à côté. Il y avait peut-être Tintin. Il y avait Pif Gadget, beaucoup. Mm-hmm. Les gadgets pour ma sœur et Pif pour moi. Et puis un petit journal de BD que je faisais dans la famille et que je vendais, voilà, une petite trentaine d'exemplaires. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'université de Grenoble, Grenoble 1, et que vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages analytiques autour d'Astérix, Astérix ou les Lumières de la Civilisation. Il y a eu aussi Astérix ou la Parodie des Identités et le Complexe d'Obélix. C'est vrai qu'on ne parle pas d'Obélix, et si on parlait un peu plus d'Obélix pour ce dernier épisode avec vous, Nicolas Rouvière? Astérix, première, deuxième, troisième génération, c'est le 5e et dernier épisode de notre série. Effectivement, et Obélix dans tout ça? Oui, c'est le gros du sujet. Pour Goscinny, c'était clairement le personnage le plus complexe. On peut dire qu'Obélix est une figure d'enfant, avec ses retards, avec aussi ses complexes. C'est un personnage un peu dépressif par moment, qui a besoin d'affection, qui a besoin de réassurance, et chez qui on peut retrouver, alors de façon amusante, le stade oral, le stade anal, le stade phallique. On peut retrouver le goût des enfants pour un petit animal auprès duquel il va jouer un rôle d'éducateur. On peut retrouver une fixation autour du principe de non-contradiction pour essayer d'organiser le monde d'une façon simple et clair. Mais ce qui me fascine le plus chez Obélix, par-delà tous ces processus d'apprentissage, linguistique ou autre. C'est lorsqu'on apprend dans un récit peu connu qui s'appelle « Comment Obélix est tombé dans la marmite », que c'était un enfant mélancolique, dépressif avant ce fameux épisode. Et il était bastonné par les autres garçons du village, il servait un petit peu de bouc émissaire. Et un jour, Astérix lui dit, ça ne peut plus durer, écoute, tu vas t'introduire dans la hutte du druide et tu vas boire un petit peu de potion magique pour leur donner une bonne leçon. Et Obélix, malencontreusement, tombe à l'intérieur, le druide revient, le sort de la marmite. Et là, Uderzo le représente avec une très grande serpe à sa ceinture, le présentant Obélix à sa mère. Et pour moi, c'est très fort comme mise en scène, parce que si on regarde bien Obélix, c'est encore une marmite sur pattes. Ses bras ont exactement la forme d'une marmite, il ne fait que dépasser, il est encore à moitié dedans. Et finalement, cette scène, eh bien, elle rejoue un petit peu les liturgies de la marque, de la seconde naissance. Alors on peut à la fois penser au baptême, puisqu'il est tout mouillé encore de la potion. On peut penser aussi à la circoncision, puisque le thème de la coupe va revenir très fortement. Par exemple, la serpe d'or est entièrement consacrée symboliquement à l'office de la coupe que permet le druide. Et cette coupe, c'est une coupe symbolique qui consiste justement à détacher l'enfant de la mère, à le détacher des fantasmes d'une identité impossible, à le détacher d'un stade narcissique qui l'empêcherait de se développer, et pour le référer à une figure institutionnelle, à savoir le druide, mais aussi à une figure de l'ancêtre. Et cette symbolique de la filiation institutionnelle dans Astérix me semble très forte. Il y a une symbolique généalogique que j'ai essayé de mettre en évidence et qu'on ne perçoit pas toujours. Par exemple, on a décrit Idéfix comme un chien écolo. Moi, j'ai essayé de montrer qu'il était le gardien des racines, que l'arbre jouait un rôle généalogique symbolique dans la série, en lien aussi avec la thématique de la coupe. Le sanglier, de quoi Obélix a-t-il besoin de se nourrir du lien aux racines? D'ailleurs, il dit, les racines, c'est bon pour les sangliers, et les sangliers, c'est bon pour nous. Chez les Corses, où le lien généalogique dysfonctionne à cause des fameuses querelles ancestrales, il ne s'agit pas de sangliers, il s'agit de cochons sauvages, un lien beaucoup plus primitif, justement, au lien aux racines. Et le fromage corse, les auteurs sans le soufre, il explose carrément. Hein. Il faisait vraiment référence à ça, les auteurs, entre le sanglier et le sanglier. Je crois qu'il y a une charge inconsciente ici et qui doit beaucoup à la propre histoire de René Goscinny, à son obsession pour le saccage généalogique. Car il ne faut pas oublier que toute la branche de sa famille maternelle, trois de ses oncles, sur dénonciation, ont été déportés dans les camps, sont morts à Auschwitz, que ses grands-parents paternels sont morts dans la fuite de la zone occupée. Et il ne faut pas oublier aussi que pendant que ce drame arrive, son père meurt d'une hémorragie cérébrale le 26 décembre 43. Et je crois qu'il s'est passé quelque chose chez René Goscinny. Toute personne qui essaye de tuer le père est potentiellement un barbare. Et si vous regardez chez Goscinny, c'est quasiment impossible de tuer le père. Isnogoud échoue toujours son fameux parricide à l'égard de ce gros poupon infantile qu'est le calife. Papa a pour totem le puma, qui est une sorte de papa symbolique dans son nom. Lucky Luke intime la coupure, mais celle de la gâchette, par rapport aux pulsions des Dalton. C'est un thème vraiment récurrent et les figures de la royauté, du pouvoir, ne prennent jamais directement des coups. César ne prend jamais directement des coups, c'est ces hommes qui trinquent, je dirais. Et quant au roi de France, dans Papa, eh bien, malgré ses ordres inconséquents, Hubert de la Patte Feuilletée ou même Jehan Pistolet les suivent. Alors, puisqu'on a commencé à parler d'Obélix, on peut continuer avec la potion magique. Alors, c'est quoi cette potion magique? Est-ce que c'est l'époque où la France est une des rares puissances nucléaires, donc on peut parler de d'armes de destruction massive. On sait que une des meilleures aventures d'Astérix, c'est-à-dire Astérix aux Jeux Olympiques, c'est une réflexion sur comment utiliser cette potion magique. C'est vraiment peut-être l'aventure la plus morale, mais il reste quand même qu'il y a cette puissance-là. Alors je dirais attention aux faux-semblants, parce que la potion magique n'est pas une arme de toute puissance. Et d'ailleurs, quand on la réclame au druide, il commence toujours par dire non. Et il ne l'octroie que quand les personnages acceptent la limite ou acceptent de payer d'eux-mêmes, quand ils font preuve d'abnégation. Par exemple, le chef Abrara Coursix réclame d'abord la potion pour battre son adversaire politique, et puis après, il la réclame pour lui, pour que son adversaire puisse se défendre vis-à-vis des Romains. Et à ce moment-là, la porte lui est ouverte. Oui, mais de l'usage de la force. Mais ça reste une force. C'est une force, mais une force qui repose sur l'intégration du manque, l'acceptation du manque en soi et de la limite. Et je dirais que c'est ce qui fait peut-être aussi un peu la différence avec les super-héros américains. Et ça fait partie aussi des apparences trompeuses. C'est-à-dire que souvent dans l'univers comique ou burlesque, une chose peut signifier son contraire. Donc par exemple, cette potion magique, elle ne sert pas à libérer toute la Gaule. Les Gaulois auraient très bien pu s'en servir comme d'une arme à laquelle rien ne résiste. Mais dès la première aventure, les choses sont bien posées. Ses pouvoirs sont limités, elle ne rend pas invulnérable, elle ne rend pas invincible. Et un principe de mesure vient régulièrement être rappelé, en particulier à Obélix. Et surtout cette idée que la véritable force, c'est d'intégrer le manque en soi, la castration symbolique, via la fameuse coupure du druide. Et pour terminer cette série Astérix, dans le chaudron de l'identité nationale, Nicolas Rouvière, est-ce que votre lecture des aventures d'Astérix, votre lecture universitaire, a suscité des débats? Est-ce qu'elle continue à susciter des débats? Je pense par exemple à votre polémique avec Max Gallo. Vous avez eu deux points de divergence. Est-ce que vous pouvez nous résumer ça? Parce oui, que ça reste d'actualité. Je crois qu'il y a eu un malentendu avec Max Gallo qui a pensé que je voulais déconstruire complètement la notion d'identité et de nation, d'identité nationale, en faisant comme s'il n'y avait pas de différence entre les cultures, entre les histoires, les patrimoines, les valeurs, etc. Ce qui n'est pas mon propos, en fait. Donc, je suis le premier à affirmer la dimension chauvine dans un premier temps. Astérix est un héros français, évidemment, mais c'est aussi un héros européen, et c'est aussi un idéal de la civilisation qui est développé à travers la série, avec une articulation très intéressante entre nation et civilisation. C'est-à-dire que après l'ère des nationalismes, il y a une ressaisie à travers Astérix du principe de civilisation dans une nation qui devient ouverte. Ouverte aux autres, avec un idéal polycentrique de l'universalisme européen, où on se confronte aux autres cultures et où finalement c'est une histoire d'angle de vue, c'est une histoire de sensibilité. Par exemple, quand on voit la conception de l'égalité chez nos amis britanniques à travers Astérix et les Bretons, avec un univers très cloisonné, aligné, etc. Et puis la mixité sociale très exubérante, effervescente chez les Gaulois d'Astérix. Donc finalement, c'est une façon de présenter la notion d'égalité, d'individualisme sous deux jours différents, qui ne s'excluent pas. Et c'est cet idéal polycentrique européen qui est à l'œuvre dans Astérix et qui n'est pas incompatible avec une Europe des nations et des peuples. Le symbolisme généalogique dans Astérix, ça ne relève pas du tout d'une conception ethnique, identitaire ou ethno-religieuse. C'est vraiment à titre symbolique. C'est-à-dire que, comme dirait Freud, chacun doit une mort à la nature. Chacun doit prendre sa place dans l'ordre des filiations. Et tout cela aura une fin. Je crois que c'est important parce que cette seconde naissance d'Obélix, c'est une naissance institutionnelle, au principe du père, à la figure de l'ancêtre, et ça prend le contre-pied complet du biologisme racial, du saccage généalogique qu'ont perpétré les idéologies racistes et totalitaires au XXe siècle. Et je crois que ça, c'est une revanche sur l'histoire formidable que de mettre en scène le mystère d'une seconde naissance où finalement, on naît du père, on naît à une figure institutionnelle dans le village. C'est une conception de la filiation juridique et non pas biologique. Toute la bibliographie de Nicolas Rouvière est à retrouver sur franceculture.fr à la page de l'émission Notre jour est possible. Vous pouvez désormais écouter l'intégralité de cette série Astérix dans le chaudron de l'identité nationale. Merci beaucoup Nicolas Rouvière. Merci. Lá nasceu, põe uma estrela que cata brilhar. Lina mar, põe uma areia que cata molhar. espaiades mundo fora. Só rachimar, terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra, sal, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Espaiades mundo fora. Só rachimar, terra, povo, cheio de amor. Un autre jour est possible, par Toufik Hakem, tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Et cette semaine, Astérix devait se terminer par l'interview des deux auteurs du dernier album, qui est sorti hier jeudi. Près de 2 millions d'exemplaires distribués pour ce 36e album dessiné par Didier Conrad d'après une histoire de Jean-Yves Ferry et tout ça bien sûr sous la haute surveillance je dirais d'Uderzo mais aussi de la fille Goscinny. Je devais lire cet album pour pouvoir interviewer les auteurs, enfin c'était prévu comme ça mais ça n'a pas été possible puisque c'est un grand enjeu maintenant commercial Astérix et les éditeurs n'ont pas souhaité nous faire parvenir quelques exemplaires avant la sortie officielle hier. À la place, je vous propose de vivre la conférence de presse organisée à la Tour Eiffel, rien que ça, pour annoncer la sortie de l'album, révéler sa couverture et les nouveaux personnages de cette aventure. C'est un reportage réalisé donc il y a quelques jours, juste en face de la maison de la radio, à la Tour Eiffel, avec une belle vue sur tout Paris. Êtes si nombreux aujourd'hui pour découvrir les coulisses du nouvel Astérix, le 36e de la série. Et comme Astérix est une star à l'égard de James Bond, chacune de ses aventures est entourée d'un grand mystère, mystère dont les auteurs vont lever le petit coin voile ce matin. Bah tiens, Didier, bonjour. Salut Toufik. Elle est belle la vue. Elle est super la vue, elle est... Et surtout avec Astérix en avant-plan, il y a un côté steampunk. Astérix et la Tour Eiffel, je sais pas. Hein. C'est pas nouveau, hein. Ça fait plusieurs fois déjà qu'il y a eu un événement Astérix à la Tour Eiffel. À chaque anniversaire, en gros, il y a quelque chose qui se passe entre Astérix. Ben, l'un et l'autre incarnent la France. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous l'avez lu, Anne Goscinny ? Bien sûr, vous l'avez lu. Bah oui, je l'ai lu au fur et à mesure de sa progression. Par exemple, pour Astérix, là, ce 36e album, le Papyrus de César, ça a été quoi votre rôle ? J'ai lu les planches au fur et à mesure de leur écriture et de leur dessin. Et on en a parlé avec les gens d'Hachette. Quand on trouvait que ça a été parfait dès le début, mais il y a des choses qui ont pu être un petit peu améliorées. J'ai dit ce que je pensais et voilà, on s'est... Enfin, tout le monde a été d'accord. Mais quand vous dites tout le monde, c'est qui aujourd'hui préside les destinées d'Astérix ? C'est Hachette, c'est Albert Uderzo, qui est le co-créateur vivant. Et moi, qui suis jamais très loin, ni en embuscade, ni au premier plan, mais là, pour représenter la mémoire de mon père. Merci Anne Goscinny. Merci. Frédéric Potet, Astérix, c'est d'abord un enjeu commercial. On parle de 2 millions d'albums prévus pour le premier tirage. 1,8 million, je crois, en version francophone, ouais. Il faut savoir que le précédent avait été vendu à 2 millions en France et pays francophones et plus de 2 millions, près de 2 millions et demi dans le reste du monde, ce qui faisait 4,5 millions, quelque chose comme ça. C'est colossal, évidemment. Faut pas oublier qu'Astérix, c'est quand même la plus grosse vente en album de bande dessinée de toute l'histoire de la bande dessinée française, francophone. Puisque c'est 300... Et ça continue, hein ? Ça continue. Aujourd'hui, c'est 360 millions d'albums vendus depuis le premier album en 1959. Et alors que Tintin, par exemple, c'est 200 millions. Et je terminerai en disant que ce 1,8 million d'albums presque vendus encore constitue le plus gros tirage de l'année de toute l'édition. en France. Voilà, donc il ne faut pas oublier que la bande dessinée, c'est aussi une formidable locomotive pour tout le secteur, pour les librairies, pour etc., etc., pour tout le monde. Quoi, voilà. Merci. Espérons que l'album soit bon, mais je pense que vous avez lu un peu, que vous avez suivi cet Astérix. Je l'ai survolé, mon cher Toufik Hakem. Alors, est-ce que... Et ça parle de quoi? Il paraît qu'il y a... Ça parle de des communicants, de... Un petit peu, oui. Alors, je vais vous donner un scoop. Ouais. Mais vraiment, vous le gardez pour vous. Ouais. Il n'y a pas Alain Finkielkraut dans cette aventure, peut-être la prochaine. Non, mais il y a un journaliste qui a un tout petit rôle. Ouais. Et dans quel organe travaille-t-il, selon vous? Le Monde. Le Mundus. Ah. C'est une bonne info, ça. Bah ouais. Il vous ressemble? Non, il ressemble à Franz-Olivier Gisberg. Il est méchant avec Gisberg? Ouais, c'est une sorte de journaliste qui est un peu journaliste de réseau, si tu veux, toi. Qui est très proche de César, enfin de l'éditeur de César. Parce qu'en fait, dans le bouquin, si tu veux, il le... Non, bah tu enregistres pas, là. Ah bah si. Allô. Ouais. Monsieur Conrad, ouais, voilà qu'on le voit. Comme ça, on voit bien le... Restez en centre, trop doucement, là. Ou alors, voilà, au milieu. Sans vous, en quelque sorte. En quelque sorte, oui. Enfin, ils vivent sans moi. Non, parce que je suis quand même... je surveille quand même un peu ce qui doit être surveillé. Je surveille de moins en moins, d'ailleurs, parce que, ça y est, maintenant, ils ont bien pris le pli et ils savent très bien ce qu'il faut faire, ils savent très bien ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, maintenant, je peux garantir de la sortie d'un album. Mais au départ, c'était pas évident parce que quand on a fait déjà ce métier auparavant avec un style très particulier, il est difficile de rentrer dans un style parce qu'il paraît que j'ai un style difficile. Mon ami André Franquin, lui, il a formé des dessinateurs en masse qui sont inspirés de son travail. Et ils avaient raison d'ailleurs. Et moi, non, je sais pas, les gens ont toujours eu peur. Ou, il n'y avait pas de studio, il y a raison en fait. Il n'y a pas de studio. Un studio payo, un studio français. Oui, non. Non, non. J'ai essayé d'avoir un studio, mais je n'ai eu qu'une personne, c'est mon frère, et qui maintenant fait sa propre bande dessinée. Et c'est bien comme ça d'ailleurs. Quand vous dites je surveille un peu les travaux, c'est beaucoup plus le dessin, l'histoire, tout? C'est l'histoire d'abord, parce qu'il faut qu'elle soit conforme un petit peu à l'humour qu'en avait donné mon ami René. Quant au dessin, ça vient après, et là, je me sens plus à l'aise d'ailleurs pour expliquer, si jamais il y a une déformation quelque part, que ça peut être fait différemment. Mais j'ai beaucoup plus travaillé sur le premier que sur le deuxième. Le deuxième, les choses étaient déjà établies. Merci Albert Uderzo. Je vous en prie. Oui, moi aussi. Non, c'était un héritage imposant, plutôt qu'un héritage lourd. C'est pas pénible, c'est simplement... il faut arriver à porter ça, quoi. C'est tout. Mais... je sais pas, moi je trouve que ça fonctionne, donc ça fonctionne maintenant, c'est aussi quelque chose qui m'a vraiment marqué étant petit, donc c'est pas difficile à faire, simplement on ne peut pas faire n'importe quoi. Par exemple, là on parlait du personnage de Jules César, et je me rappelle que ça, c'est pas un scoop puisque c'est pas ce qu'on a mis dans l'album, hein, mais je me rappelle que Jean-Yves disait, ah c'est intéressant parce que Jules César, en fait il avait un beau-père, et ce beau-père était quelqu'un de... bon. Voilà, c'était quelqu'un d'important, donc on pouvait en fait utiliser le beau-père pour plus ou moins mettre César mal à l'aise. Et en fait, on s'est rendu compte que même si c'était historiquement vrai, c'était difficile à utiliser ça parce que ça altérait le personnage de César dans le sens où il avait quelqu'un qui avait une autorité sur lui. Donc on pouvait pas, même si c'est possible à utiliser, mais quelque part ça change, ça décale, et c'est ce genre de choses qu'on doit, c'est là où on doit faire des choix. Donc on doit trouver des idées nouvelles, mais en même temps il faut que des idées qui respectent l'architecture de la série. Didier Conrad, donc le dessinateur qui vient de parler. Jean-Yves Ferry, pourquoi l'information, pourquoi la communication? C'était un thème parce que vous vouliez jouer encore sur la double temporalité, parler du présent en passant par Astérix? Oui, il y avait cette idée de trouver un thème contemporain. Mais il se trouve que quand on est parti de la guerre des Gaules, l'information nous permettait de trouver un lien entre le bouquin de César et le village. Voilà. Donc on est parti vers ça. Et ça a été rigolo d'imaginer quel était l'état du journalisme à l'époque, en quelque sorte. Mais vous en profitez pour dire aussi pour que Julien Assange, par exemple, est un personnage positif, que Séguéla ne l'est pas. Il y a même un certain François-Olivier Gisbert qui apparaît dans cette aventure d'Astérix. C'est aussi une manière de raconter et de dire ce que vous pensez un peu de ce qui se passe aujourd'hui, la communication qui a pris le pas sur l'information. Oui, d'ailleurs, on est obligé de choisir des gens de la presse qui ont des têtes connues, puisqu'on Didier doit les dessiner. Et donc vous orientez vers des Gisbert, vers des Séguéla. On aurait pu prendre d'Ormesson, on aurait pu prendre Barbier, des gens qui apparaissent régulièrement à la télé, quoi. Mais vous étiez tout à fait d'accord sur les points de vue idéologiques vis-à-vis de la presse, des journalistes, de la communication, avec par exemple Uderzo, Goscinny, Hachette? Alors sur l'aspect politique, c'est vrai que Albert et René ont toujours prôné l'apolitisme d'Astérix, tout simplement parce que c'était pas du tout leur tasse de thé. Et puis, comme dit Albert, c'était pas non plus leur objectif. Et c'était tout simplement à l'époque une sorte de grosse rigolade. Et c'est vrai que l'époque se tendant, devenant plus sombre, on a tendance souvent à avoir des questions sur le côté politique de la série. Or, là, vous le verrez, il y a une présentation qui est critique, mais qui ne prend pas parti, en quelque sorte, parce que ce n'est pas non plus le rôle d'Astérix. Voilà. On doit rigoler avec tout ça. On joue plutôt sur la caricature des comportements. C'est un parti pris que de dire que Julien Assange est un personnage positif. Peut-être, mais en même temps, on va montrer un aspect dans l'album, peut-être. Aussi, peut-être qu'il aura un tic de journaliste. Les journalistes ne sont pas non plus d'un seul bloc. Est-ce que votre vie a radicalement changé dans cette manière d'être impliqué dans un projet qui est un patrimoine, quoi, c'est pas... Ah, on est regardé un peu différemment sur le plan du patrimoine. C'est pas une BD comme une autre. C'est-à-dire qu'Astérix, les gens, vous le savez, hein, les gens qui lisent de la BD lisent Astérix, mais ceux qui lisent pas de BD le lisent aussi. Donc il y a un petit côté, peut-être comme le Beaujolais ou le Saint-Émilion, il y a un petit côté patrimoine, c'est vrai, qui est un peu impressionnant pour nous, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, tout ça, ce qu'on ne sait pas faire. Merci Jean-Yves Ferry. Merci à vous. Merci Didier Conrad. Je vous en prie, c'est un plaisir. Ils sont fous ces Gaulois, mais bon, c'est Astérix en même temps. Merci d'avoir été à l'écoute de cette émission. Je vous rappelle que l'intégralité de la série de Nicolas Rouvière, Astérix dans le chaudron de l'identité nationale, est désormais disponible à la page de l'émission sur franceculture.fr. On se retrouve lundi. Lundi, ce sera le passage à l'heure d'hiver, hein, puisque c'est ce week-end de passage à l'heure d'hiver. Donc on se retrouvera dans la nuit noire lundi prochain et on parlera de Baudelaire. Bon vendredi, bon week-end sur France Culture.